Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue dans l'émission Forum Jeunes, qui donne l'occasion aux jeunes de débattre sur tous les sujets qui les intéressent. Forum Jeunes, c'est sur la radio Isanganiro tous les lundis. À la présentation de cette émission, Ali Dandaïkeza et François Kimana assurent la mise en onde. Une tendance s'observe chez les jeunes pour trouver de nouvelles sensations. Les uns s'adonnent à l'alcool, les autres utilisent les drogues. Certains jeunes font recours à ces produits lors des fêtes en compagnie de leurs amis ou parfois ils les utilisent pour oublier leurs problèmes. Dans notre mission d'aujourd'hui, on va parler de l'usage des drogues fortes. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un cri d'alerte est perçu par les associations qui se donnent la mission de venir en aide à ces jeunes de par les activités qu'ils mettent en œuvre. Quelles sont les caractéristiques de ces drogues? Quelles sont les catégories de jeunes les plus exposées? Et quelle est l'aide qui leur est offerte par ces associations? Peut-on s'en sortir? Pour parler de ce sujet qui est parfois tabou, nous avons dans nos studios Eric Sengiyumva, gestionnaire de campagne dans l'Alliance burundaise contre le sida et pour la promotion de la santé, ABS en sigle. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour. Chers auditeurs, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook formjeune/radioisanganiro ou sur notre site web www.isanganiro.org. Encore une fois, bienvenue à tous dans Forum Jeune. Pour entrer dans le vif du sujet, commençons par une présentation de l'organisation qui vient en aide à ces personnes. Eric Sengiyumva, une petite question d'abord. Comment appelle-t-on ces personnes? Chez nous, on a vraiment une nomenclature qui est vraiment simple, qui n'est pas du tout blessante. Mm-hmm. On les appelle les personnes qui utilisent les drogues. En diminutif, on essaie de les appeler les usagers des drogues. Les usagers des drogues. Pour essayer de ne pas dire les drogués, les quoi. Ouais. Uh-huh. Tout le monde parle de ça, mais... Mm-hmm. Des fois, vous pouvez les appeler des toxicomanes dans votre organisation. Ce nom, vous gardez cela? On garde cela, mais... Juste avec les sensibilisations, vraiment, on cherche toujours à avoir des noms, des mots qui vraiment n'est pas du tout blessant parce que pour nous, on essaie de ne pas stigmatiser la personne. Mm-hmm. Mais on apprend toujours, on essaie d'améliorer. Ce ne sont pas des noms qui sont fixes, mm-hmm. mais sinon, dans les communautés, il faut vraiment comprendre, on les appelle les toxicomanes. Mm-hmm. Ouais. Et au sein de votre organisation, l'ABS, elle vient en aide comment à ces personnes? En fait, l'ABS est un nouveau concept, c'est un nouveau projet pour le Burundi, mais c'est un projet qui prend une allure régionale parce qu'on est avec les organisations du Kenya, les mm-hmm. organisations de l'Ouganda, les organisations de Seychelles, mm-hmm. on est avec les organisations de la Mauritanie, on est avec les organisations de la Tanzanie, de Zanzibar. Mm-hmm. En fait, c'est tout un programme régional, mais vraiment chaque pays a sa particularité. Mm-hmm. Ouais. Et quelle est cette particularité pour le Burundi, pour la capitale? Pour le Burundi, je voudrais vous dire comme, par exemple, on a la prévalence qui est en général de 1.1, suivant mm-hmm. les études de 2013. Et par Soto, vous voulez dire clairement que... Pour le moment, dans le lien entre la réduction des méfaits du VIH-Sida chez les usagers de drogue mm-hmm. et la stratégie accélérée de l'ONU-Sida, il y a la catégorie de ces usagers de drogue. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avec l'initiative d'accélérer vise à atteindre en 2020 l'objectif de 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur séropositivité. Mm-hmm. 90% des personnes connaissant leur séropositivité ont accès au traitement. Mm-hmm. 90% des personnes sous traitement atteignent des niveaux de VIH indétectable dans leur organisme, réduction à plus de 75% du nombre annuel de nouvelles infections. Mm-hmm. Alors, parmi ces gens-là, comme ce qu'on appelle les homosexuels, mm-hmm. les travailleurs de sexe, mm-hmm. il y a alors une autre catégorie dont vous parlez, les usagers de drogue. Mm-hmm. Cette catégorie, alors, au Burundi, on n'a pas vraiment les statistiques. Alors, ABS va voir comment travailler avec les organisations, voir comment travailler avec le gouvernement, tous les partenaires vraiment qui voient que cette problématique est là. Alors, bientôt, on va avoir les études, on va avoir les statistiques, avec ce taux de d'usage de drogue injectable au Burundi. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui utilisent le plus souvent les drogues, ils sont exposés au sida? Voilà, c'est en fait, moi, je pensais qu'on va parler aussi de cela parce que c'est le couloir de la drogue. Mm-hmm. Le couloir de la drogue, c'est toute une série d'étapes. Mm-hmm. En fait, on commence pas avec les drogues douces. Mm-hmm. On évolue Qui sont comme qui sont comme marijuana qu'on appelle cannabis. Mm-hmm. Ouais. Et aussi, il faut parler des cigarettes, ce sont des drogues. Mm-hmm. Parce que des fois, on a des cas où on te parle. Moi, j'ai commencé avec fumer un peu de cigarettes. Mm-hmm. Et puis, j'ai volé vers les drogues, les herbes. Mm-hmm. Dont on parle des cannabis. Mm-hmm. Et puis, après cannabis, on évolue alors vers les drogues qui sont un peu fortes dans les produits pharmaceutiques. Ce sont les pharmaciens ici qui vendent tout ça. Les enfants vont à la pharmacie, ils achètent ça. Mm-hmm. Mais par contre, ce sont des drogues. Et après, alors... Donc, par rapport à ce qui est vendu dans les pharmacies, ce sont des médicaments. Ce sont des médicaments, alors mm-hmm. si je te dis... Mais qui sont utilisés de l'autre façon. En fait, ce sont des médicaments pharmaceutiques. C'est des médicaments vraiment... Si je te dis, par exemple, les séries de diazépam, mm-hmm. les séries d'héropinol, mm-hmm. ce sont des médicaments qu'on donne à des gens qui ont un peu de cancer pour dormir. Alors, mm-hmm. nos jeunes, nos frères, nos sœurs, ils essaient de prendre et en grande quantité. Par exemple, je parlais avec un docteur qui me disait, Eric, tu sais, par exemple, quelqu'un qui va mourir dans 3 semaines, qui a mm-hmm. le cancer, vraiment le cancer douloureux, le cancer aigu, il prend à peu près 2 comprimés de diazépam. Et puis moi, je me dis, mais madame, le docteur, moi, un jour, j'ai croisé un frère qui prenait 14 comprimés par jour. Mm-hmm. Et puis il m'a dit, quoi? Yeah, je dis 14 comprimés, je peux même te le montrer aujourd'hui. Mm-hmm. Ils m'ont dit ça c'est grave et ça coûte moins cher. Mais les enfants peuvent se procurer de ça facilement, ça se trouve dans les pharmacies. Mm-hmm. Alors, le problème, alors, si ça se trouve au niveau de ces comprimés pharmaceutiques ou bien de ces médicaments pharmaceutiques, alors on va au niveau qui est vraiment le niveau très compliqué, le niveau le très douloureux. Mm-hmm. C'est l'usage de ce qu'on appelle l'héroïne. Mm-hmm. Alors l'héroïne est utilisée de différentes manières, notamment on l'utilise en tant que fumée, on l'utilise en tant que ce qu'on appelle claque. Alors il y a aussi l'héroïne dont est concernée par notre projet. Notre programme, c'est l'héroïne injectable. Mm-hmm. Alors ils essaient d'utiliser les seringues. Alors c'est comme la bière, mademoiselle Alida. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu as un peu d'argent pour t'acheter de la bière. Mm-hmm. Alors tu peux acheter à moi une bouteille. Tu peux acheter à un cousin une autre bouteille. C'est comme les usagers de drogue. Mm-hmm. Aujourd'hui, moi, j'ai un peu d'héroïne. Alors j'essaie d'injecter ça dans ma seringue avec une seule aiguille non stérilisée. Mm-hmm. Alors je m'injecte une quantité. Et puis je vois Alida, aujourd'hui n'a pas d'argent, j'essaie de donner une autre quantité à Alida. Mm-hmm. Peut-être Alida va aussi donner à Aline. Mm-hmm. Aline va s'injecter. Mm-hmm. Et puis Aline va se diriger dans un autre endroit. Aline va trouver notre ami, il va lui donner. Alors j'imagine comment tu vois combien si quelqu'un parmi le groupe a le sida. Mm-hmm. C'est vraiment tout. C'est une transmission directe. C'est une transmission directe. Les techniciens nous disent que c'est une transmission qui va à 75%. Plus que la transmission la transmission sexuelle. Mm-hmm. Vraiment, c'est grave. C'est une chose qu'il faut vraiment essayer d'arrêter, essayer de réduire jusqu'à ce que vraiment ça n'entre pas dans les communautés. Okay. Par rapport à ces drogues, oui. Il est facile de s'en procurer. Non, pas les drogues, donc les médicaments, héroïne ou les joints. C'est facile pour les jeunes de s'en procurer. En tout cas, par exemple, ce ne sont pas au même niveau. Mm-hmm. Par exemple, l'herbe ici, bon, on dit, tu peux trop procurer ça plus que le cycle. Mm-hmm. Je te dis franchement, tu peux trouver ça n'importe où. Mm-hmm. C'est fumé par n'importe. En tout cas, vraiment, le taux est élevé ici, bon, on dit. Mm-hmm. Alors, le fléau le plus grave, c'est l'héroïne. Mm-hmm. Parce qu'il y a la différence entre l'herbe et l'héroïne. Celui qui prend l'herbe peut venir ici, hein, il peut être journaliste. Il peut être ingénieur, il peut être docteur, il peut être ministre. Mm-hmm. Mais mon ami, celui qui prend l'héroïne, c'est une personne morte. Mm-hmm. Il passe toute la journée, je ne sais pas, parce qu'il doit avoir chaque fois l'héroïne. Parce que le manque, c'est son manque qui fait quoi? Qui fait que tout le monde soit déconsidéré par la communauté. Parce mm-hmm. que des fois, ce sont des voleurs. Mm-hmm. Parce que des fois, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment liés avec les familles. Vous imaginez, j'ai un cas que je ne peux pas vraiment citer ici, d'un quelqu'un qui a un jour perdu sa mère, mais il a su ça après 2 jours. Même il n'a pas même. Il était vraiment dans un coin perdu. Il ne peut pas. Il ne pourrait pas rentrer. Il ne pourrait pas être. Je sais pas. En tout cas, vraiment, c'est une chose qui te sépare de la communauté. Alors, nous, on dit que parce qu'on a des expériences de d'autres pays où il y a des personnes qui ont passé dans des cas pareils, qui sont été réintégrées dans les communautés. Nous, nous disons vraiment, on peut faire quelque chose pour on peut sauver cette jeunesse. Vraiment une jeunesse perdue, je disais. En parlant par rapport à ces jeunes qui utilisent la drogue, concrètement, quelles sont les catégories que vous avez déjà ciblées lors de vos activités, lors de vos sensibilisations? Nous allons vraiment à différentes catégories. Nous avons les scolarisés. Nous avons les déscolarisés, bien sûr, parce que des fois, quand tu es sous l'héroïne, tu es sous les drogues injectables, tu ne peux pas vraiment être à l'école. On a aussi une autre catégorie, nous on les appelle travailleuses de sexe. Aussi dans cette catégorie, on a les filles qui doivent s'injecter la drogue pour aller faire son métier là. Nous avons aussi ce qu'on appelle les homosexuels. Parmi cette catégorie aussi, on peut avoir les gens qui utilisent la drogue pour vraiment franchir le pas pour leur métier, je sais aussi dire. Alors aussi, on a d'autres gens qui ne veulent pas se prononcer sur leur profil. Alors, mais vraiment, on a différentes catégories. Mais avec ces différentes catégories, on va voir ce qu'on va faire pour vraiment essayer de réduire les méfaits. Vous est-il facile de pénétrer ces catégories pour pouvoir délivrer vos messages? C'est pas du tout facile parce que, par exemple, quand tu travailles avec les usagers de drogue, la communauté va te considérer aussi comme un usager de drogue. Il y en a des pays même où on nous disait que, par exemple, au niveau du Kenya, il y a l'organisation qui a commencé ce travail. Et après quelques jours, la police qui est venue fermer l'organisation parce qu'on disait que l'organisation est en train de promouvoir la drogue au Kenya. Alors, mais par contre, ici, on a la chance. On a la chance parce qu'on a commencé avec le sommet. Parce qu'on a commencé avec l'administration. On a d'abord fait ça, comprendre ça au gouvernement. On a fait ça, comprendre ça à l'Assemblée nationale. Et on a toujours été ensemble avec les parlementaires, les délégués des ministres. On est toujours été sur le terrain. Vraiment, j'ai vu un jour le visage d'un parlementaire qui voyait ses usagers de drogue. Il m'a dit vraiment, moi je dois aussi me donner, en tout cas je dois oublier tout ce que je faisais au niveau de ma commission et vraiment venir à l'aide pour ces jeunes. Parce que c'est une jeunesse vraiment oubliée, c'est une jeunesse. En fait, ils ne savaient pas que ce fléau existe. Mais ce n'est pas du tout facile parce que tu dois toujours se comporter comme eux. En tout cas, c'est une approche, c'est une approche vraiment que je disais, c'est une approche vraiment un peu difficile. Ce n'est pas comme aller voir quelqu'un qui a faim, parce que c'est quelqu'un qui, en fait, tu vas le voir, mais le drogué, il est comme les autres. Il parle comme, des fois, ils sont gentils. Ils sont déjà gentils vraiment quand tu passes la journée avec eux. Ils sont des gens gentils, ils te parlent bien. Et ce qui nous motive, c'est quoi? Ils veulent guérir. Les gens là, ils veulent guérir. Ils nous disent, et vraiment le chef brise. Et essaie de voir comment nous amener la méthadone. Parce que c'est le problème. Il y en a deux problèmes, en fait. On a deux problèmes parce que le traitement d'un usager de drogue au niveau de l'injection, il doit avoir la méthadone. Et la méthadone, pour ceux qui n'utilisent pas la drogue, vous pouvez nous expliquer? En fait, la méthadone, c'est une substitution. C'est un médicament. C'est quelqu'un qui... Quelqu'un qui est sous la drogue, alors il va au centre de désintoxication. Alors, quand il va au centre de désintoxication, il y a le sous-produit qu'on appelle la méthadone. La méthadone, c'est un produit pharmaceutique. C'est un traitement qui doit avoir un suivi. Alors, le médecin lui donne la cure suivant la quantité de la drogue. Alors, la méthadone, c'est comme l'héroïne. Quelqu'un qui a pris la méthadone, c'est comme quelqu'un qui a pris l'héroïne. Mais entre-temps, il est en train de voir, il est en train de laver le sang. Et un jour J, le docteur va dire au patient, allez, va dans la communauté. Quand la personne va dans la communauté, il ne va plus utiliser l'héroïne parce qu'il ne va jamais se sentir du manque. C'est un médicament de substitution. Alors nous invitons chaque fois le gouvernement à voir comment améliorer les partenariats avec les différents partenaires dans l'OMS, pour voir comment introduire la méthadone au Burundi. Mmh. L'autre problème, c'est qu'au Burundi, il n'y a pas de centre de désintoxication. Mmh. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui savent que ce qu'on appelle chez Lugenti, c'était centre de désintoxication. Mmh. Parce que, par contre, c'est faux. Mmh. Là-bas, on amène les fous. Mmh. Chez nous, les usagers de drogue ne sont pas des fous. Mmh. Ce sont des gens comme les autres. Mmh. On les considère comme quelqu'un qui a bu de la bière. Mmh. Alors, quand des fois, on les amène là-bas, on les introduit les médicaments des fous, mmh. alors ils reviennent dans la communauté, ils agent de drogue et en même temps fous. Mmh. Donc, On invite le gouvernement et ses partenaires mmh. de voir comment aussi construire des centres de désintoxication. Bon, on dit parce que le taux vraiment d'usagers de drogue, des drogues fortes, je souligne ici, est vraiment croît exponentiellement. Mmh. Il croît exponentiellement, le taux vraiment croît exponentiellement. C'est au niveau de l'école primaire. Ils consomment les drogues jusqu'à l'héroïne. Mmh. Au niveau de l'école secondaire, ils consomment la drogue dont l'héroïne. Alors, si mmh. rien n'est fait, mmh. si les parents ne se donnent pas, si le gouvernement ne s'investit pas, mmh. si tout le monde vraiment ne se lève pas pour dire non, mmh. bientôt, on aura vraiment à couler derrière le train qui est vraiment en marche. Mmh. En parlant de désintoxication, quelle est la couverture de l'ABS ici au pays? En fait, la couverture de l'ABS, l'ABS est au niveau national. Mm-hmm. Parce que l'ABS était un réseau d'associations qui œuvre pour la lutte contre le sida et la promotion de la santé. Mm-hmm. L'organisation a en tout 100 associations qui encadrent. Mm-hmm. Alors, l'ABS travaille vraiment avec l'expérience d'autres pays. En tout cas, c'est un nouveau concept. En fait, l'ABS est au niveau, je dirais, au deuxième niveau. Mm-hmm. Mais sinon, pas mal d'activités, pas mal de choses qui sont en train de faire dans le cadre de réduire les méfaits mm-hmm. Pour les agents de drogue. Oui, oui. Combien de personnes avez-vous déjà prises en charge, à qui vous avez déjà sensibilisé à travers les activités que vous menez? En fait, nous avons déjà sensibilisé pas mal de personnes. Je ne peux pas vraiment préciser le nombre parce que c'est déjà beaucoup. Mm-hmm. Ça doit me renvoyer dans les archives, mais c'est déjà beaucoup. Mais je peux vous parler des catégories. Mm-hmm. En premier lieu, on a déjà sensibilisé les usagers de drogue. Mm-hmm. On a déjà le groupe, pas des usagers de drogue, les drogues, quand je dis des drogues douces. Mm-hmm. C'est au niveau de l'héroïne. Mm-hmm. On a pas mal de personnes. Et puis, les filles et les hommes. Mm-hmm. Il faut savoir ça, les filles mm-hmm. et les hommes, mm-hmm. de 7 ans à 77 ans. Mm-hmm. Okay. Et puis on a aussi la catégorie de ce qu'on appelle les décidés. On a aussi sensibilisé les parlementaires, mm-hmm. on a aussi sensibilisé les membres du gouvernement, aussi on a sensibilisé les différents partenaires de la santé, au Burundi, notamment l'OMS, le FINUAP et les autres. On a aussi sensibilisé les leaders. Le leader à la base, on a aussi sensibilisé les organisations partenaires de ce programme. Mm-hmm. En tout cas, on va aussi bientôt faire d'autres choses, notamment créer le réseau de ces usagers de drogue. Mm-hmm. On va voir comment créer un réseau national, parce qu'on ne peut pas rester à Bujumbura tout simplement. Mm-hmm. On doit aussi aller dans les provinces, voir si le fléau existe, voir si ces gens existent aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une approche qui n'est pas une approche facile. Tu dois être dans les communautés à la base pour savoir si c'est... Parce que des fois, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui s'injecte la drogue mais qui prenne l'héroïne en route, mm-hmm. dans les rues. Mais oui. Non, mm-hmm. tu dois aller le voir dans les communautés, il est dans les communautés, mais le flow existe. En parlant de véhiculer le message à travers les communautés, quelle est la place que vous donnez à la famille d'une personne qui utilise ces drogues ou cette personne quand elle veut sortir de la drogue? Quelle est la place que vous donnez à sa famille? Je voudrais parler de l'expérience que j'ai déjà vécue. J'ai déjà vu une personne au niveau de la Tanzanie. Mm-hmm. C'était une fille qui était vraiment stigmatisée, qui était vraiment déconsidérée dans sa communauté. Et puis, il a eu l'assistance du réseau kenyan des usagers de drogue. Il a été sous traitement de la méthadone. Et puis, elle est sortie de l'hôpital. Mm-hmm. Elle est rentrée dans la communauté. Et malheureusement, elle avait déjà le sida. Mm-hmm. Elle avait déjà le sida, mais elle est rentrée dans les communautés. La communauté l'a accueillie, mais avec toujours ce que je dis, ils ont toujours voulu le stigmatiser comme on le faisait avant. Mm-hmm. Mais la fille en question, vraiment, s'est bien réintégrée dans la communauté. Elle a commencé tout d'abord par créer un emploi qui lui procurait un peu d'argent. Mm-hmm. Et elle était soutenue par des organisations de la société civile. Et puis, elle a eu sa boutique. Et là, finalement, il a aussi son véhicule. Pour le moment, c'est la personne et ressource au niveau régional. Mm-hmm. Quand elle témoigne devant des gens, des décideurs, devant les usagers de drogue, des fois, ça nous donne pas mal de beaux résultats. Mm-hmm. Alors, pour moi, je dis, ce sont des gens qui peuvent être réinsérés dans les communautés. Mais elles sont mal accueillies. Mm-hmm. Elles sont toujours stigmatisées. Mm-hmm. Elles sont toujours déconsidérées. Alors, mais pour moi, l'alarme que je pourrais lancer pour eux, il faut vraiment chaque fois les considérer comme des personnes qui peuvent encore retourner dans la vie, qui peuvent toujours être contribuables au développement socio-économique. Mmh. Vous est-il déjà arrivé de toucher la famille d'un drogué? Toujours. Mmh. Je suis toujours en contact avec eux. Et il y a quelqu'un qui me disait, Eric, vraiment, hier, j'ai volé mon père. Mm-hmm. Je lui ai pris tout l'argent qu'il avait. Mm-hmm. Mais je viens de passer 4 jours à l'extérieur. Mm-hmm. Et il dit que tu peux vraiment venir comme médiateur pour voir si je peux vraiment avoir la place aussi chez mon père. Mm-hmm. Et puis, je suis allé voir le papa. Je lui ai expliqué vraiment, il est sous la drogue, il est comme ça. J'ai essayé de lui expliquer les signes d'un usage de drogue, qu'il faut chaque fois voir comment conserver les choses dans la maison s'il est là, mais il ne faut pas vraiment le déconseiller parce que c'est l'enfant comme les autres. Mm-hmm. Le papa m'a dit non. Et puis j'ai encore essayé d'aller revoir. Je lui ai expliqué. Et puis après 4 jours, il a aussi accueilli la personne dans sa famille. Mais ce qui manque, c'est quoi aussi au Burundi? Aussi, je dois souligner qu'il y a ce manque de dialogue. Mm-hmm. Il n'y a pas de dialogue familial ici au Burundi. Mm-hmm. Il n'y a pas ce dialogue entre papa, maman, enfant. Ce triangle vraiment n'existait pas dans les communautés. Mm-hmm. C'est un problème parce que si on discutait ça, par exemple, à la maison, moi, je pense qu'on allait apaiser la situation. Mm-hmm. Ouais. Justement, en parlant des problèmes que vous rencontrez lors de la mise en œuvre de vos activités, cela vous est facile tenant compte des moyens que vous avez ou il y a vraiment un problème qui vous arrive quand vous êtes sur le terrain, quand vous êtes en contact avec ces personnes? Oui, les problèmes sont, les défis des projets sont toujours là. Des fois, je l'ai dit en avance, c'est de considérer comme le drogué. Mm-hmm. Aussi, quelques partenaires, quelques membres, quelques responsables vont te considérer comme quelqu'un qui veut promouvoir la drogue au Burundi. Mm-hmm. Par contre, nous, ce ne sont pas la promotion. C'est juste voir comment essayer de réduire les méfaits. Mm-hmm. Quelqu'un qui consomme la drogue, il consomme déjà la drogue. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas de voir comment disponibiliser des seringues, disponibiliser des aiguilles pour réduire ces méfaits, parce qu'on voit que le problème est au niveau de cette transfusion. Mm-hmm. Par exemple, je peux vous dire que ce n'est pas toujours le sida. Mm-hmm. Il y a aussi l'hépatite C. Il ne faut pas oublier ça. Mm-hmm. Il y a l'hépatite C. Par exemple, quand tu exposes l'aiguille, le VIH passe une journée. Mm-hmm. Quand tu exposes, l'hépatite C passe 64 jours. Mm-hmm. C'est-à-dire, même s'ils n'utilisent pas la drogue. Par exemple, toi, tu peux passer... Il y a l'aiguille là qui te touche un peu. Mm-hmm. Et puis, tu as l'hépatite C. Demain ou bien après demain, tu vas te dire, moi, quand est-ce que j'ai eu cette hépatite C? Mm-hmm. Et tu n'oublies pas que c'est là, la petite aiguille que tu as, que tu as touchée. Alors, nous essayons de réduire tous ces méfaits, mais pas la promotion de la drogue. Mm-hmm. Mais les gens vont te considérer comme étant quelqu'un qui vient promouvoir la drogue au Burundi. Mm-hmm. Alors, l'autre problème, c'est le problème de savoir comment trouver ses moyens. Mm-hmm. Trouver ces moyens, c'est juste comme trouver les moyens quand il y a le problème de dévastation, quand il y a le problème de famine. Mm-hmm. Tu dois toujours chercher, tu dois aussi défendre tes motifs. Mm-hmm. Comme ça, mais comme il y a eu les solutions avec l'utilisation des préservatifs. Mm-hmm. Nous aussi, nous voyons que nous devons trouver tous ces moyens pour réduire les méfaits. Mm-hmm. C'est vraiment facile de toucher les bailleurs pour avoir un financement pour la mise en œuvre de vos activités. Pour le moment, c'est facile parce qu'il y a déjà, l'ONU-SIDA considère cette catégorie, la catégorie des personnes qui est vraiment une catégorie des personnes qu'il faut considérer chaque fois. Mm-hmm. Une catégorie des personnes exposées. Mm-hmm. Alors cette catégorie, quand l'ONU-SIDA déjà constate ça, mm-hmm. c'est qu'il y a aussi le Fonds mondial qui doit constater ça. Mm-hmm. Il y a aussi d'autres partenaires qui vont s'investir. Mm-hmm. Alors on essaie de passer toujours avec, si ce couloir, mm-hmm. voir si on peut trouver quelques moyens. Mais pour le moment, on a déjà des petits moyens. Mm-hmm. Les moyens qu'il faut pour faire quelque chose déjà, mm-hmm. C'est avec le partenariat avec un réseau kenyan qu'on appelle Kanko. Mm-hmm. C'est un réseau des organisations de la société civile qui travaille aussi dans la réduction des méfaits au niveau régional. Mm-hmm. Alors, on va utiliser ça, mais on va voir vraiment comment faire quelque chose pour mm-hmm. réduire ça. Mm-hmm. Concrètement, Eric, une question... Une question simple. Uh-huh. Peut-on s'en sortir? Oui, on peut s'en sortir. On peut devenir quelqu'un, des fois déjà, qui sortent de la drogue. Uh-huh. Ce sont des gens qui sont des modèles. Uh-huh. On a des modèles dans les communautés. En fait, ils essaient de corriger, de voir comment améliorer ce visage, d'améliorer cette face que les gens utilisaient pour lui. Mm-hmm. Alors, des fois, vraiment, ce sont des gens qui peuvent s'intégrer dans leur communauté respective. Dans vos séances de sensibilisation, il vous arrive d'utiliser les ex-drogués pour des travaux en cours? On marche toujours ensemble. Mm-hmm. On ne peut jamais faire quelque chose sans eux. Mm-hmm. En tout cas, si tu veux réussir avec ces gens-là, il faut toujours être en contact avec eux. Mm-hmm. Ouais. C'est facile de délivrer, de faire le témoignage. C'est facile pour eux de donner le témoignage à ceux qui utilisent ces drogues ou ceux qui, pour éviter de nouvelles personnes qui pourraient utiliser ces drogues. Oui, c'est facile, ça dépend de l'approche. Mm-hmm. Il suffit d'expliquer d'abord à la personne si il se sent à l'aise avec ce témoignage. Mm-hmm. Des fois, ils veulent parler parce qu'ils veulent dire non, arrêtez ça pour ne pas vraiment accroître le taux. Mm-hmm. Parce qu'ils trouvent les conséquences. C'est pour cela que chaque fois, quand tu leur parles du médicament, ils te disent amenez le médicament, on veut être comme les autres. Mm-hmm. Alors, il faut toujours être avec eux mm-hmm. et entrer dans les communautés avec eux. Mm-hmm. Parce que ce sont eux qui connaissent comment les autres sont. Mm-hmm. Et ils vous aident parfois à mieux intégrer ces catégories en oui. vous indiquant tel endroit il y a des personnes droguées ou tel endroit. En fait, c'est pas facile. Mm-hmm. C'est pas facile parce que chaque fois, ils veulent te montrer le consommateur. Mm-hmm. Mais ils ne vont jamais te montrer où ils ont acheté ça. Mm-hmm. Mais quand tu essaies de parler avec ceux qui ont consommé ça avant, ils peuvent te dire le monsieur là, c'est lui qui vend l'héroïne. Mm-hmm. On les connaît. Mm-hmm. On les connaît vraiment, mm-hmm. mais tu ne peux rien faire parce que vraiment, il y a un commissaire quand on sensibilisait les policiers. Mm-hmm. Il nous disait, des fois, tu peux attraper quelqu'un. Mm-hmm. Et puis, quand tu essaies de l'interroger, il y a quelqu'un qui t'appelle qui te dit, ah, monsieur là, le commissaire, essaie de libérer le plus vite possible ce monsieur là. Mm-hmm. Parce que c'est moi qui vais venir mm-hmm. pour être interrogé. Alors, tu trouves la personne que tu vas interroger. Mm-hmm. Par contre, c'est une affaire close. Mm-hmm. Donc, on peut dire que c'est un réseau vraiment fermé. Oui, mm-hmm. c'est un réseau fermé, mm-hmm. comme dans les autres. Ce n'est pas au Burundi, tout simplement. Mm-hmm. C'est comme dans tous les autres pays. C'est toujours comme ça. Mm-hmm. Le réseau de la drogue, mm-hmm. vous le voyez même dans les films de fiction, c'est toujours comme ça. Mm-hmm. oui. mm-hmm. Pour conclure notre débat de ce jour, quel message pourriez-vous lancer à ces personnes qui utilisent les drogues? Alors, pour les personnes qui utilisent les drogues, c'est un message d'espoir. C'est de leur dire que tu peux aujourd'hui être considéré comme un drogué, mais demain, tu pourras être considéré comme une personne ressource mmh. pour la vie socio-économique des Burundais. Mmh. Alors, aujourd'hui, tu es mauvais, mmh. demain, tu pourras être quelqu'un d'autre. Mmh. Un message aussi pour les autres. Il ne faut jamais vraiment déconsidérer les personnes qui utilisent les drogues. Mm-hmm. C'est un problème comme quelqu'un qui peut être, je dirais, un ivrogne, quelqu'un qui boit beaucoup de la bière, quelqu'un qui fume beaucoup de cigarettes. Mm-hmm. Mais essaie vraiment de voir comment réduire tous ces méfaits liés à l'utilisation des drogues. Mm-hmm. Sinon, aussi un message, parce que chaque fois que ces gens sont attrapés, on veut les emprisonner. Mm-hmm. Parce qu'il y a les procédures légales qui ne sont pas du tout favorables à ces agents de drogue. Alors moi je dirais, au lieu de les emprisonner, il faut voir comment les orienter dans des centres, dans les centres qu'on va avoir bientôt, espérons. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci également à Eric Nsengiyumva, gestionnaire de campagne dans l'Alliance burundaise contre le sida et pour la promotion de la santé ABS en sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi, Alida. À la présentation de cette émission, vous étiez avec Alida Ndaikeza et François Akimana assurait la mise en onde. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook Forum Jeune/Radio Isanganiro et laissez-nous des messages ou commentaires. Et à la prochaine.